Le coup de cœur d'Élodie sur la première. Salut à toutes. Depuis 2002, l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré que le 21 mai deviendrait la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le développement. Cette journée sera célébrée chez nous le 31 mai avec le CCE qui nous invite à explorer le jardin, la cour. Pourquoi ce thème ? Dans les travaux préalables de la commission cohésion sociale, on a remarqué un travail porté par une docteure, Madame Alexandrine Dijoux. Dans sa thèse, elle montrer différents marqueurs qui mettaient en avant les en commun de la société réunionnaise. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons de commun entre nous. Nous avons choisi comme objet emblématique le tapis mendiant. Mettre en commun, et s'associer, s'assembler pour faire quelque chose, devenir quelque chose. Et dans ces en commun-là, on avait choisi dans un premier temps de travailler sur la langue, la musique et l'espace alimentaire réunionnais, donc le manger. Ensuite, sur les croyances et les tisanes. L'année dernière, c'était sur les contes et les légendes, donc le pèlerinage des Réunionnais. Cette année, on s'oriente vers les jardins créoles et la cour réunionnaise. Comment on peut retrouver l'apport des différentes composantes qui viennent d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Inde, de Mayotte aussi, parce qu'il y a nos collègues maoris qui sont là. Donc ça nous semblait important de montrer cela et de voir quelle en est l'évolution. On touche là à des points d'aménagement futurs des espaces de vie réunionnais. Le jardin, la cour, ça parle aux Réunionnais. Est-ce que demain tous auront accès à leur petit coin de cour? Est-ce que cela fait partie des envies de tous les Réunionnais? Si oui, comment et surtout de quelle manière les puissances publiques peuvent les aider dans ce sens? Rendez-vous ce samedi 31 mai et pensez à vous inscrire sur le www.ccee.re. Ça se passe au MOCA, donc au domaine du MOCA à Montgaillard, donc propriété de la région. Lors de cette journée, on va utiliser et montrer cet espace du MOCA qui est une représentation, une forme de jardin créole. Voici un avant-goût du programme de cette manifestation. Donc il y aura un hommage et une présentation du contexte avec les interventions de M. Mario Serviable. Cette même année, c'est aussi le centenaire de la devise de la Réunion. Florebo cumque ferra, donc je fleurirai partout où je serai porté. Et en créole, ça donne ma pète en fleurs partout, y plante à moi. Première présentation, donc il n'y a pas de jardin créole sans fleurs. Alexandrine Dijoux va repréciser le contexte dans lequel elle place cette démarche et ce focus particulier sur les jardins créoles. Raymond Lucas nous dira dans un petit coin de la cour qu'est-ce qu'on pourrait trouver ou qu'est-ce qu'on y trouve. Isabelle Ouarojoli aura un propos sur l'approche symbolique et mystique du jardin créole. Un joli tapis mendiant, un maillage organisé, comme dirait le directeur Michael Maillot. Programme complet sur le site le CCEE. Le matin, on a un petit déjeuner d'accueil suivi des conférences, un déjeuner le midi. Quand l'a fini manger, on aura une séquence partage avec l'association En Craqué, les jardins familiaux du Chaudron, l'habitation au Malais, mais aussi Bonnes étudiants, la faculté lettres et sciences humaines de l'université La Réunion, parce que le CCE y veut faire de cet événement une manifestation interculturelle avec la vision des arboutants et des plus jeunes.